Plage 7, l'épanouissement professionnel. Il est parfois difficile de trouver l'épanouissement dans son travail, soit parce que nous en sommes lassés, mais que nous refusons de créer les changements nécessaires par peur de l'avenir, ou bien parce que nous évoluons dans un domaine que nous avons choisi à une certaine époque par sécurité, mais qui ne nous convient plus. Ou encore, êtes-vous tout simplement à la recherche d'un emploi sans y parvenir ? Quel que soit le cas qui vous concerne, tout ceci est clairement relié à des mémoires erronées dont vous allez à présent pouvoir vous débarrasser. Vous êtes toujours confortablement assis sur un tapis de mousse, adossé à cet arbre qui vous inspire tant. Gardez les yeux fermés et respirez profondément, calmement. Ressentez la paix et la force sécurisante qui se dégagent de votre arbre. Maintenant, vous pouvez réfléchir à votre position professionnelle actuelle, à ce que vous ressentez dans votre travail, ou encore vous ouvrir à tous les possibles quant à de nouveaux choix. Et bien sûr, vous pouvez vous focaliser sur l'emploi que vous recherchez si c'est votre cas. Ne demandez rien, n'attendez rien et ne jugez aucunement les choix que vous avez faits par le passé ni votre situation présente. Simplement, pensez-y. À présent, écoutez cette déclaration et laissez-la vous parcourir. Désolé de m'être enfermé dans un travail qui ne me convient plus. Pardon d'avoir entretenu cette peur d'aller de l'avant, ainsi que du futur et de l'inconnu. Merci de transmuter en lumière cette mémoire qui m'empêche d'être à ma place réelle dans ma vie professionnelle, ainsi que de me donner la possibilité d'exercer un métier qui soit une passion. Je t'aime. À moi. À mes capacités d'adaptation, aux choix que je fais pour mon avenir professionnel, à la confiance illimitée que j'ai en moi et en mes qualités, à toutes les personnes qui m'entourent sur mon lieu de travail, à l'univers qui me donne l'inspiration et me montre les bonnes opportunités. Maintenant, nous allons faire Ho'oponopono à haute voix alors que vous demeurez focalisé sur votre vie professionnelle. Encore une fois, ne demandez rien et ne jugez rien. Simplement faites Ho'oponopono. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Sentez vos véritables envies professionnelles se dessiner. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé.